des pitié. Maman pa quitté ou allé nan zone cuisine. Si l'autre des pitié, ou pas qu'on fait jouer maman avec papa. C'est sûr, mademoiselle, que ou pas qu'on fait manger. Savoir faire la manjaille, c'est un art. Exemple, l'art culinaire. Bon, bral raconter nos sacs dépassés mes jours. Ah, son ami, bien invite mon festin la caille. Mais avant de nous toute bagaille, faut me dire nous que Zami a marié avec petite madame de Tonquel. Ah. C'est-à-dire une dame zongmi belle, les chargés avec feeling. Mais ah. Alors qu'on est non festin. Oui, ben non festin. Belle plame, moi, m'passe à valer. Là, lève tout sa table la tête, bien gagné. Son série de plats, si presque yo à soya. M'pap bien temps, non, m'pap bien temps. M'pap bien temps. Mais m'ap du deux, trois la donne. Omar flambé. Poisson thermidor. Macaco beurre. Ha! Et puis souwe, oui souwe, mamzelle. Table fin belle, les fin parelle. La marche dans le salon, bien chel bien. Hey! Talon qui quitte lui, c'est cop, c'est cop, c'est cop. Moi même si t'as le même grand goût, m'a payé l'œuvre mal main et table là, même pas quand entre sous table mounio. Parce que faut bail l'autre pour entrer sous table ça yo. En devant moi, c'est pic, c'est pic. Nous connaissons tout. Vos amis ou l'autre ami ont invité. Zami a le goûté manger. Lire les Marie, mademoiselle Lankaila. Dit-il comme ça que manger pas de goût, ça qui passe. Et puis, monsieur même relé, lire les madame, ça qui passe. Il a dit manger pas de goût. Il va comprendre rien. Manger à belle, il va de goût. Et puis, oh oh, qui blousaille, bataille pété. Ça pas qu'on arrive dans le journal même, parce que c'est qu'on déblosaille pour la mangeaille. Et c'est ça qui révèle la médaille. Comme la coquette, oh! Comme la qui est boire. Comme la coquette, oh! Comme la qui est boire. C'est la même si à deux.